Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Florent Latreille. Bonjour. Bonjour Florent. Donc raconte-nous un petit peu, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Une petite anecdote ouais, qui m'est arrivée il y a quelques mois. En fait, donc, ça se passait dans un petit théâtre de Nice, dans le Vieux, un petit théâtre très sympa. On était tout un plateau d'humoristes. Et je devais passer, je ne sais plus, mais vers la fin, je ne sais plus en combien j'étais. Et en fait, dans ce théâtre, vu que les coulisses sont pas immenses, on était tous dans la scène, enfin dans la salle, au fond, on regardait un peu passer les copains. Et puis, quand c'est mon tour, je me dis, ah merde, c'est à moi. Donc, hop, je me lève, je traverse au milieu du public, je monte sur scène. Et bon, j'ai un petit peu la tête qui tourne, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai dû me lever trop vite, c'est le stress de monter là d'un coup. C'est pas grave, ça va passer. Donc, je commence mon sketch, machin. Et puis, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Et là, je commence à vraiment avoir des petites sueurs froides et je me dis, bon, en gros, ça m'est déjà arrivé, pas sur scène, mais ailleurs, mais je suis en train de me faire un petit malaise vagal. Donc, je me suis dit, deux options, hein, soit j'arrête, soit je continue. Donc, déjà, à force, je commençais à perdre mon texte, quoi. Je voyais, j'avais mon champ de vision qui commençait à se rétrécir sur les côtés. Donc, je me suis dit, là, je vais m'écrouler. Et en fait, au premier rang, il y avait une chaise libre. Donc, je m'assois dessus. Un peu, voilà, face publique, je leur dis, bon, désolé, je me sens pas très bien, je fais un petit malaise, mais bon, ça devrait aller, puis en m'asseyant, je vois que ça passe. Donc du coup, je chope la chaise, je la mets au milieu de la scène, j'essaie de reprendre un peu mes esprits, il y a le mec qui vient au théâtre qui m'amène un petit verre d'eau, et puis j'ai fini tranquillement mon sketch assis, donc ça m'a fait trouver des nouvelles choses, quoi, forcément, dans la gestuelle, parce que c'était pas prévu, j'avais pas répété comme ça. Le cerveau s'est mis en mode survie, quoi. Ouais, voilà, complètement. Et puis, petit à petit, j'ai repris mes esprits, j'ai fini mon sketch et voilà. Ok. Formidable. Nickel. Donc, merci beaucoup, Florent Latreille. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, j'ai juste ma page Facebook perso. Mais au pire, Florent Latreille. Hein. Florent Latreille, très bien. Merci. Vacances. Ouais, ça peut être plus drôle que les sketchs, hein, des fois, c'est sûr. C'est possible. Donc, merci beaucoup, Florent, pour ton anecdote. Et puis, on se retrouve bientôt, peut-être sur une autre scène. Quant à vous, merci d'avoir écouté le podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.